Les magasins pour enfants qui vendent des jouets guerriers, des avions, des chars. Qui a eu pareille idée? Ça me retourne l'âme. Je n'ai jamais acheté, jamais offert de jouets guerriers à des enfants, ni aux miens, ni à ceux des autres. Une fois, quelqu'un a apporté chez nous un petit avion de chasse et une mitraillette en plastique. Je les ai immédiatement balancés à la poubelle. Parce que la vie humaine, c'est un tel présent, un don sublime. La guerre a duré longtemps, très longtemps. Je ne me souviens ni d'oiseaux, ni de fleurs. Il y en avait évidemment, mais je n'ai pas gardé le moindre souvenir. C'est comme ça. Bizarre, non? Est-ce que les films de guerre peuvent être en couleur? Au front, tout est noir. Seul le sang est d'une autre couleur. Seul le sang est rouge. Je venais d'obtenir mon diplôme d'infirmière. Je suis rentrée à la maison. Mon père était souffrant. Et là, la guerre a éclaté. Je me souviens que c'était un matin. J'ai appris cette terrible nouvelle un matin. La rosée n'avait pas encore séché sur le feuillage des arbres et déjà on avait annoncé que la guerre était déclarée. Et cette rosée que j'avais subitement remarquée sur les arbres lorsqu'on avait annoncé la guerre, elle m'est revenue souvent en mémoire quand je me suis retrouvée au front. La nature se trouvait en opposition avec ce que vivaient les gens. Le soleil était très vif. Tout était en fleurs. Mes chars campaient nuls. Il y en avait profusion dans les prés. Je me souviens, on est couché au milieu des blés par une journée de grand soleil. Les mitraillettes allemandes crépitent, puis le silence retombe. À nouveau les mitraillettes, je me dis, entendras-tu encore une fois le bruissement des épis? Une fois, pendant les classes, j'en sais pas pourquoi, je ne peux pas me rappeler cette histoire sans pleurer. C'était au printemps. Nous revenions d'un exercice de tir. J'ai cueilli des violettes. Un petit bouquet, pas plus gros que ça. J'ai cueilli ce bouquet et l'ai attaché à ma baïonnette. Et en avant, marche. Nous sommes revenus au camp. Le commandant nous a ordonné de nous mettre en rang, puis il m'a appelé. Je fais un pas en avant. J'avais oublié les violettes attachées à mon fusil. Il s'est fichu en rogne. Un soldat doit être un soldat, pas un cueilleur de fleurs. Il trouvait inconcevable qu'on puisse penser à des fleurs en pareilles circonstances. Je n'ai pas jeté mes violettes. Je les ai ôtées discrètement et il les a fourrées dans ma poche. Elles m'ont valu 3 corvées supplémentaires. Une autre fois, je suis en faction. À 2h du matin, la relève arrive, mais je refuse de quitter mon poste. Je renvoie à dormir le gars qui devait me remplacer. Tu prendras ton tour quand il fera jour. Pour l'instant, c'est moi. J'étais prête à rester debout toute la nuit jusqu'à l'aube pour écouter les oiseaux chanter. À la fin de l'automne, des oiseaux passaient dans le ciel. D'interminables volées d'oiseaux. Notre artillerie et celle des Allemands pilonnaient sans relâche et eux volaient au-dessus de tout ça. Comment le leur crier? Comment les avertir? Pas par ici, c'est dangereux! Les oiseaux tombaient, s'abattaient par terre. Avant la guerre, il y avait chez nous quantité de rossignols. Après la guerre, personne n'en a plus entendu durant 2 ans. Toute la terre avait été retournée. On avait soulevé, comme on dit, le fumier des aïeux. Tout avait été labouré. La 3e année, les rossignols ont réapparu. Où étaient-ils passés? Nul ne le sait. Ils sont revenus 3 ans plus tard. Les gens ont rebâti leur maison. Et les rossignols sont revenus. Chaque fois que je cueille des fleurs des champs, je pense à la guerre. Là-bas, on ne cueillait pas de fleurs. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'au moment de mon départ pour le front, les cerisiers de notre verger étaient en fleurs. En m'éloignant, je regarde derrière moi. Peut-être est-ce la dernière fois que je vois des cerisiers en fleurs. Par la suite, j'ai sûrement croisé d'autres vergers au bord des routes. Ils continuaient bien à fleurir, n'est-ce pas? Même pendant les guerres. Mais je n'en ai conservé aucun souvenir. Après la guerre, pendant longtemps, j'ai eu peur du ciel. Peur même de lever la tête en l'air. J'avais peur de n'y voir qu'un champ labouré. Or, déjà l'effroi le traversait d'un vol paisible. Les oiseaux ont vite oublié la guerre. Et je l'avais Si nous me laissons.